Voyage en quelque sorte dans le monde fantasmagorique de l'enfance. En effet, pour le coup, c'est bien pour les enfants d'aujourd'hui comme ceux qui gardent leur âme d'enfant, et y compris Exactement. Pour les parents, autrement dit. Exactement. Alors, spectacle où le travestissement, ai-je lu, est roi entre déguisement d'enfant, culture populaire, tradition carnavalesque. Vous nous invitez effectivement un peu à brouiller toutes les pistes. Tout est possible, tout est permis en ce qui concerne effectivement les frontières de l'identité. C'est un peu ça ? C'est exactement ça. Voilà, on part de... En fait, je me suis inspirée de la tradition des carnavals dans lesquels, depuis toujours, les hommes se déguisent en animaux, les hommes en femmes, les femmes en hommes, et c'est vraiment traditionnellement un moment où, en fait, tout est permis, où les catégories, qu'elles soient sociales, sont, en fait, on peut tout à fait s'en détacher grâce au déguisement. Voilà. Et du coup, je me suis inspirée de cet univers-là. Et j'ai imaginé quatre figures. Moi, je dis pas vraiment des personnages, je dis plutôt des figures. Donc, il y a une grenouille, un ours, Superman et une princesse. Voilà. Donc, c'est en même temps, ils ont ce choix-là. On a l'impression de refouiller notre mémoire des contes et légendes. Et effectivement, des personnages très... C'est l'archétype, sans parler de personnages, mais des figures qui ont marqué notre imaginaire et notre enfance. Exactement, il y a des grenouilles dans tous les contes, les crapauds, les princesses, les princes. Enfin, voilà, l'ours, c'est aussi une figure qui a vraiment... qui fait peur dans les contes. Et après, par contre, Superman, c'est plus la culture populaire d'aujourd'hui, qui a remplacer un peu les contes pour avec les comics, choses comme ça. Et pour le coup, effectivement, ce sont vraiment des archétypes. En tout cas, Superman et la princesse sont des espèces de... Superman est vraiment un super homme, la princesse est une super femme, comme des caricatures d'hommes et de femmes, quoi. Oui, sauf que vous brouillez toutes les frontières entre l'animal et l'humain, si on ne sait plus qui est qui, entre le masculin et le féminin, de même. Exactement, parce que du coup, pendant tout le spectacle, la question, c'est qu'ils vont se transformer grâce au costume, mais aussi grâce à la danse, grâce à leurs gestes. Et quelque part, on va commencer d'abord à se rendre compte qu'en fait, une princesse, ça peut être très fort, un ours, ça peut être très gracieux. Donc, ils vont commencer à s'échanger un petit peu leurs qualités jusqu'à s'échanger leur costume. Et inventer en fait de nouvelles identités, un peu comme dans les livres pour enfants où en fait on peut mettre le haut avec le milieu, avec le bas, enfin des livres à... Comment m'expliquer ? Ah, c'est difficile sans geste de vous l'expliquer. En tout cas, chaque costume se divise en deux et peut se marier avec le costume d'une autre figure. Mmh. Donc on se retrouve avec un ours princesse, avec une grenouille Superman, avec... Enfin, des figures qui sont complètement imaginaires, bien sûr, mais qui sont comme un monde qu'on pourrait se construire pour ne pas en rester à ces caricatures, quoi. Voilà. De la princesse à museau d'ours à l'ours en ballerine pour nous aider à se bien rentrer dans cet imaginaire dont il est question. Exactement. Au royaume du rêve, le costume est roi. Je crois comprendre que le costume tient, le vêtement plus généralement dans ce spectacle, tient un rôle essentiel comme vecteur, comme on l'a dit, de transformation du genre, voire de l'identité. Exactement, parce que c'est à partir du moment où l'ours va mettre une jupe de princesse qui va commencer à se transformer, et que finalement, dans la jupe, avec cette jupe, lui est donné tout un éventail de qualités de la princesse qu'il va pouvoir s'approprier grâce au costume. Donc du coup, à chaque fois que les figures s'échangent en fait les vêtements et les costumes, de nouvelles qualités leur apparaissent et ils se transforment. Et au final, bien sûr, ces qualités seront prises en charge par les danseurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront, qu'ils seront passés par différents costumes et différentes figures, finalement, c'est un petit peu comme, voilà, ça s'appelle de tête en cape, la cape qui vous donne de la force. Au final, ben, la force, c'est vous qui l'avez, quoi. Et cette force à la fois de transformation et d'invention de soi-même. Mmh. Alors, le fait de questionner, si au travers d'un spectacle comme celui-ci, l'identité et le genre, c'est un sujet qui correspond à une préoccupation pour une créatrice comme vous d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est un sujet effectivement qui se prête à l'univers de la danse, de la chorégraphie ? Ben les deux, en fait, et aussi à la question du jeune public. Parce que bien sûr que, enfin voilà, moi j'ai un enfant, quand je suis allée la première fois au carnaval de son école et que j'ai vu tous les garçons déguisés en Superman et toutes les filles en princesse, ça me pose question quand même. Ah bon, voilà, on en est là aujourd'hui, quoi. Et est-ce qu'on peut pas, avec un peu d'imagination, inventer des trucs un peu plus souples et un peu plus rigolos? Après, moi, c'est vrai que dans mon travail en général, je m'attache à déjouer les catégories un peu trop établies et un peu sclérosées parfois, quoi, voire un peu enfermantes. Donc je m'attache à cette question de la transformation qui permet de sortir de catégories voilà, dans lesquelles nous pouvons être enfermés et dans lesquelles, personnellement, je voudrais que les enfants ne se sentent pas enfermés. Mmh. Au contraire, se sentent la possibilité d'en inventer d'autres parce qu'ils ont la vie devant eux. Mmh. Voilà, ça rejoint votre question. On sait généralement chez les enfants et ceux qui sont, comment dire, à la maternelle comme à l'école primaire, au niveau de tranche d'âge, je crois que c'est à partir de 5 ans que vous proposez ce spectacle. Généralement, ils sont plus ouverts sur ces sujets-là, s'ils ont un monde imaginaire beaucoup plus ouvert. C'est peut-être un peu plus tard que les choses se tendent. Alors, ils sont plus ouverts, clairement. Mais quand même, le fait de voir un homme habillé en princesse, ça les fait quand même vraiment réagir, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont quand même vraiment pas l'habitude de voir ça, et ça les trouble. Ça les trouble parce que la société leur propose des modèles un petit peu sclérosés, quoi. Et du coup, justement, il faut entretenir cet imaginaire vraiment fertile et... Voilà, il faut le soutenir, quoi. Il faut lui offrir de la place. C'est ça que j'essaie de faire aussi dans ce spectacle. Mmh. Alors, spectacle, je parle bien, nous parlons bien de danse. Deux interprètes, un homme, une femme, pour incarner ces quatre figures, pour ne pas dire personnages. Oui, je préfère. Oui, effectivement. Alors, il y a un homme et une femme, mais comme ils se changent tout le temps, il y a beaucoup de figures qui apparaissent. Il y a même souvent les gens, souvent j'entends les enfants dire « Ah bon, mais ils sont que deux !» alors qu'on a l'impression qu'ils sont pleins parce qu'ils passent leur temps à s'échanger des costumes et à faire apparaître différentes figures. Et après, c'est effectivement bien de la danse, donc il n'y a pas de tête, enfin... Il y a ça existe évidemment la danse avec du texte, mais celle-ci, il n'y en a pas. Et tout est affaire de gestuelle. Donc c'est-à-dire qu'au départ, il y a des gestuelles très claires. Donc on reconnaît des gestes de grenouille. On reconnaît des gestes d'ours. Ça fait presque un peu naturaliste. Et petit à petit, en fait, au-delà du thème du spectacle, c'est vrai que ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on peut inventer de la danse et de l'art à partir de tout. Et à partir, effectivement, on peut écrire de la danse à partir des mouvements d'animaux, à partir des gestes de Superman que tous les enfants refont dans la cour de récréation, quoi. Et que ce connu, ce matériau-là, qui est un matériau voilà, qui leur est familier, on peut le transformer, et c'est à partir de ce matériau-là que je crée de la danse. Mmh. Et tout ça, le tout avec humeur, bonne humeur et gaieté, ai-je lu ? Oh oui, c'est assez drôle. Oui, oui, les enfants en général rigolent beaucoup. Enfin, les adultes aussi. Voilà, c'est plutôt léger quand même. Voilà, il y a beaucoup de couleurs. C'est assez joyeux, c'est assez enlevé. Voilà, J'ai lu, je ne sais pas si ça se fera, si c'est prévu ici à Cergy-Pontoise, mais qu'autour de cette création, vous proposez en règle générale des ateliers artistiques pour se préparer à ce type de rencontre, à ce type de spectacle. Alors effectivement, ça, je le fais dans pas mal de théâtres, mais c'est pas prévu à Cergy, même si j'avais fait au mois de septembre un atelier lors de journée porte ouverte autour de la question humain-animal, voilà, qui est notamment traitée dans ce spectacle. Après, là spécifiquement pour le mois de mars, il n'y a pas d'atelier prévu avec des enfants. Il y a par contre plusieurs rencontres, ce qu'on appelle des bords de plateau, en fait, des moments où l'équipe, c'est-à-dire les danseurs et moi-même, discutons avec les enfants de ce qu'ils ont vu, et moi ça me paraît un moment vraiment important pour savoir voilà ce qu'ils ont, parce que souvent les enfants ont perçu des choses et ils ont besoin de mettre des mots dessus pour comme pour valider un petit peu leurs sensations. Donc voilà, il y aura ça, il y aura des rencontres comme ça qui sont prévues sur toutes les représentations, sur les quatre représentations qu'il y a le 9 et le 10 mars à Cergy. C'est ça, on les invite, les auditeurs, à découvrir ce méli-mélo de métamorphose, jeu de transformation du corps, des corps, comme on vient d'en parler, et tout cela eh bien, pour se laisser emporter par l'imaginaire et aussi aller à la rencontre de ces figures, pour ne pas dire, comme on l'a déjà dit, de ces personnages. En tout cas, c'est une invitation à ouvrir l'esprit tout en partageant un bon moment de spectacle. Exactement. Merci, merci Balkis Moutachar. On vous attend pour les 9 et 10 mars prochains, en effet, à la scène nationale de Cergy-Pontoise. Point commun, ça se déroulera au Théâtre 95, salle Visconti. C'est à Cergy-Grand Centre. Le 9 et le 10 mars, il y aura des séances en scolaire. Et le mardi 10 mars à 19h30, séance tout public pour découvrir le spectacle de Tête en Cap. C'est une chorégraphie qui nous est proposée par Balkis Moutachar, merci à vous. Merci beaucoup. Point commun, l'émission. sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Jock Lorenz, vous êtes chorégraphe pour un spectacle qui va être présenté à Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise. Le spectacle a pour titre Horse au pluriel. C'est un plaidoyer pour la solidarité. Il est question des rapports humains, des relations enfants-adultes, l'idée même de l'envie de grandir ou celle de rester enfant. Alors pourquoi d'abord ce titre, alors que c'est un spectacle qui semble être très humain? Oui, c'est très humain, ça c'est vrai. Mais j'ai choisi le nom Horses parce que j'étais inspirée par la symbiose qui est là entre le cavalier et le cheval. Et ce sont deux corps très différents qui ne puissent pas se retrouver par la langue parlée, qui doivent vraiment trouver leur rythme ensemble physiquement. Sur scène, 5 adultes et 5 enfants sont réunis par la danse. C'est d'abord ça qui les réunit et le propos du spectacle va d'abord partir de cela. Pourquoi 5 adultes, pourquoi 5 enfants? Parce que nous avons travaillé surtout sur des duos, grands-petits. Et le contraste entre deux a été la source d'inspiration continue à travers le processus de création. À la fin des 5 adultes, il y a en fait 2 musiciens qui, dans le spectacle final, qui ne dansent presque pas, en fait pas du tout, parce qu'ils sont occupés à jouer de la musique. Ce soit baryton sax et guitare, et le baryton sax apporte beaucoup à la respiration. Et les deux musiciens ont aussi travaillé pendant le processus physiquement avec les enfants pour bien comprendre l'esprit physique, l'esprit de la danse, ce que nous voulons exprimer dans la création de l'intérieur avant de commencer à jouer de la musique. Alors, vous parlez de porter en duo entre adultes et enfants. C'est l'occasion pour eux de se rencontrer sur scène, de s'apprivoiser. C'est un peu ça l'idée aussi, l'image que vous nous avez évoquée d'un cheval et de ce cavalier. C'est un peu entre l'animalité du corps et celui de l'humain. Oui, parce que je crois que c'est quelque chose difficile à parler aussi dans nos processus avec Cabinet K. C'est toujours un mix des adultes, des danseurs professionnels et des jeunes enfants qui n'ont pas une expérience dans la danse. Et notre langage physique, c'est vraiment quelque chose qui travaille avec l'intuition. Et c'est cette intuition qui dirige la relation dans le studio, pendant les répétitions, les improvisations entre deux corps. Et quand je parle, par exemple, d'apprivoiser, c'est pas d'une direction de l'adulte vers l'enfant, mais ils doivent se trouver dans une égalité et ils apprivoisent l'un l'autre, en fait. Je suppose qu'ils recherchent, ce qui normalement est le cas dans les relations humaines, on cherche généralement à avoir confiance en l'autre, et c'est pas toujours chose facile, on le sait bien dans la société aujourd'hui. Donc oui, c'est ce rapport, cette relation humaine que vous travaillez au travers de la chorégraphie, de la danse, entre dominant, dominé, c'est ce qui ressort dans la société aujourd'hui. Vous essayez d'effacer ces rapports de dominant à dominé? Pas tout le temps. J'ai essayé de laisser libre cette rencontre entre deux personnes qui au début ne se connaissaient pas et qui sont en train de chercher une confiance totale. Et ça va pas toujours dans une ligne droite, mais à la fin, ils arrivent, ils sont obligés de rester ensemble. Par exemple, il y avait des exercices, des tâches qui disaient être un seul corps. Et puis, ils cherchent pour une heure entre adultes et enfants de différentes façons d'être une seule corps. Et c'est avec l'enfant, nous ne mettons pas un miroir de la société devant l'enfant. C'est un processus, tout se passe là-dedans. Ils comprennent en faisant ce qu'ils disent. Mais les enfants, je suis sûre qu'eux, ils ne comprennent pas jusqu'au loin leur expression même. Parce que s'ils étaient trop au courant, ils deviennent des petits acteurs qui sont responsables d'exprimer quelque chose que le régisseur veut. Mmh. Et ça, j'ai voulu éviter. Ils sont très naturels, ils vivent le moment comme cela. Et les adultes aussi, ils plongent dans une relation qui s'est installée pas seulement dans le processus, mais aussi pendant les années que nous sommes déjà en tour avec ça. Et je dis toujours, j'espère que c'est une sorte d'utopie, une sorte de rêve que je m'imagine parfait pour des êtres humains à vivre ensemble, très ouverts, très égaux. Mais tout le monde prend soin de l'autre de sa propre manière, mais aussi prend soin de soi-même et cherche, par exemple, de temps en temps, des moments plutôt privés ou être à soi-même ou être, quand on a trop peur de ce qui se passe, il faut se défendre en trouvant une manière d'être parmi les autres sans perdre soi-même. C'est pas une ligne narrative. C'est pour ça que je dis toujours aussi, c'est de la danse. Et il y a des enfants sur le plateau, ce qui permet, ce qui est un clé pour une jeune public aussi, de venir voir le spectacle, de le regarder par ses propres yeux et avec sa propre compréhension. Mais c'est jamais écrit comme une pièce jeune public, comme ça. Mais ce qui est beau, c'est que tout le monde, tous les âges sont capables de vivre le spectacle. Alors, je reviens à l'image forte parce que elle se retrouve dans le titre de votre spectacle. On parlait tout à l'heure effectivement de ces duos poétiques, ces portées en duo. Il recherche effectivement une symbiose à l'image d'un cheval et de son cavalier. Je pense que tout le monde comprend effectivement quand on parvient à cette excellence dans le rapport entre le cheval et son cavalier. Sauf que dans la vie, j'ai lu d'ailleurs dans votre dossier de presse, la chose la plus importante dans la vie est d'apprendre à tomber. Ça veut dire que la vulnérabilité fait partie des rapports humains, des relations humaines. Oui, pour moi, c'est très important de ne pas dessiner une image de l'homme qui est tout puissant, mais qui est, je dirais, nu, sans défense, qui laisse venir les choses, et c'est une vulnérabilité. Oui. Il peut avoir de la fragilité, qu'on soit enfant ou adulte, d'ailleurs, également. Aussi, oui. Et c'est toujours trouver cet équilibre parce que c'est quelque chose que la plupart des adultes, quand ils voient un enfant, ils pensent il faut que je suis responsable, il faut que je prends soin. Mais aussi les enfants, je veux les montrer comme des êtres humains déjà complets. Ils ont aussi leur responsabilité vis-à-vis des autres, n'importe quel âge les autres ont. Et ça, je sais que pour la plupart des gens qui voient ce spectacle, on a joué un peu partout dans le monde. C'est toujours ça qui touche vraiment, de voir cette égalité et cette fragilité sans juste dire « Oh, les petits, comme ils sont mignons, je veux éviter ça ». Mais c'est quelque chose que les enfants, ils tirent le regard du public beaucoup plus que les adultes. C'est comme si on met un chien sur le plateau, c'est la même chose, tout le monde regarde le chien. Chez nous, c'est tout le monde regarde les enfants les plus petits, mais à la fin, c'est la musique, c'est la force des enfants qui portent le spectacle pour une heure. Vraiment, là, c'est assez équilibré. Alors, on disait au début de notre entretien, pour parler de ce spectacle, qu'il s'agissait d'un plaidoyer pour la solidarité. Ça parle aujourd'hui à tous. La solidarité, c'est la bienveillance, c'est l'empathie qu'on peut avoir pour l'autre, et de manière même intergénérationnelle, pour le coup. Oui, je crois là, c'est vraiment un chemin où on peut trouver de l'espoir pour le futur, je crois. Parce que pour moi, personnellement, ça me manque de voir la solidarité dans les rues, dans la presse, dans beaucoup de choses. Et je ne veux pas être moraliste, mais je veux juste donner une alternative à une façon de se tenir l'un vers l'autre. Et c'est, par exemple, c'est pour ça que nous avons fait une recréation de Horses à Tunis, où il y a une sorte de malaise post-révolutionnaire dont il manque vraiment cette solidarité parce que tout le monde n'a pas confiance dans l'autre et que nous avons réussi là aussi à installer le même spectacle avec des danseurs et des enfants et des musiciens du Médina en plein Tunis. C'était pour moi la preuve que Horses parle de la solidarité et d'un espoir pour le futur. Alors, pour traduire sur scène toutes ces intentions dont on vient de parler ensemble, est-ce que ça suppose un langage chorégraphique particulier? Vous qui êtes chorégraphe, d'abord et avant tout, je crois savoir que vous définissez ce spectacle aussi comme une danse très organique. Oui, parce que ce n'est pas... Bien sûr qu'on a pratiqué une certaine technique parce qu'il faut savoir comment tenir le poids, comment trouver un équilibre entre deux corps très très différents. Comme Jacob, le danseur adulte, il a 90 kilos. Mmh. Il est très très grand. C'est un géant vis-à-vis d'un enfant de 25 kilos. Et eux aussi, comment trouver l'équilibre, c'est quelque chose de très technique. Mais à la fin, c'est la connaissance corporelle que tout le monde porte en lui, dont ils ont eu le temps, assez de temps pour leur recherche, pour trouver de l'intérieur, c'est quoi l'équilibre à côté d'une technique. C'est devenu une technique à soi-même. Et aussi, j'ai pas écrit les mouvements, tous les 10 personnes, je leur ai créé un espace avec plein de liberté, avec des tâches très, très simples, mais qu'ils puissent jeter dans l'improvisation pour une heure, pour deux heures. Et ça me permet de juste regarder ce qui se passe et de me souvenir c'était quoi le chemin qu'on a eu besoin pour arriver, par exemple, à ce moment particulier que j'aime beaucoup, que j'ai voulu dans le spectacle, et pour le réaliser, nous avons toujours retourné vers le même chemin, le même processus, pour être capable de jouer ce mouvement comme une danse écrite, mais c'est pas vraiment écrit parce que c'est pas exact, mais c'est un état d'être dans lequel je les amène, et c'est pour ça aussi. Je suis pas seule, je parle de moi, mais Quint, mon partenaire, il est danseur aussi. Nous faisons ensemble la chorégraphie, mais lui de l'intérieur et moi de l'extérieur. Et lui, il peut transférer beaucoup d'informations juste en participant avec eux. Et moi, de l'extérieur, je vois aussi les hésitations, les petites choses qui marchent bien ou qui marchent pas. C'est presque un regard extérieur, mais de même façon, c'est vraiment notre collaboration qui mène vers la chorégraphie finale. Et à la fin, tout est arrangé. Ce n'est plus une improvisation, mais c'est très, très organique parce qu'ils sont dans un certain état. Mais je ne sais pas si j'explique. Si. Alors, ce qui doit participer à cet état particulier, comme vous venez d'en parler, c'est aussi la présence de deux musiciens, de la musique en direct, guitare et saxophone baryton. Quel est leur rôle, finalement, dans cette partition collective? Je crois que la musique, c'est vraiment, surtout le saxophone, c'est vraiment la respiration des danseurs qui est renforcée et l'énergie qui est une communication entre la danse et la musique. Comme ils ont d'abord vécu les mouvements et après ils ont improvisé avec les danseurs, c'est vraiment aussi là une symbiose entre les mouvements et la musique. Et c'est pas qu'ils dansent exactement sur les notes que les musiciens jouent, mais c'est vraiment dans une sorte d'esprit commun. Je sais pas bien expliquer. Ouais. Alors, ce spectacle Horses, vous dites, ce spectacle à voir en famille à partir de 8 ans, les mardis 3 mars à 19h30, mercredi 4 mars à 19h30, et également une séance scolaire le mardi 3 mars à 14h30, tout cela au Théâtre des Louvrais à Pontoise. Je voudrais juste finir cet entretien en citant un article de presse, une coupure de presse, qui a dit la chose suivante. Concernant votre spectacle et votre démarche, je la lis. Un plaidoyer pour l'attention à l'autre et à la liberté. Les artistes n'idéalisent pas la solidarité, mais l'incarnent en toute authenticité et de façon organique sur scène. Oserons-nous encore rêver? Non, nous le devons, toute bride dehors. Bah, c'est joliment écrit, c'est dans la presse en Belgique qu'on a pu trouver cet écho. Pour moi, c'est très important qu'il y a des journalistes qui ont l'art de la langage pour mettre en mots ce que nous avons essayé de faire en mouvement. Nous sommes des chorégraphes parce que nous avons moins de mots que les écrivains et les journalistes. Mais je suis contente qu'il y a des gens qui ont lu notre intention et qui aident à transférer notre création avec le public. Eh bien, nous sommes impatients de vous accueillir dans le Val d'Oise au mois de mars prochain, impatients de découvrir ce spectacle sur scène. Ça sera effectivement les 3 et 4 mars prochains, 19h30 en soirée et séance scolaire le 3 mars à 14h30, je le rappelle, au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Tout ceci organisé dans le cadre d'Escale Danse, un événement dédié à la danse qui implique plusieurs partenaires culturels sur le Val d'Oise, dont, point commun, la nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise. Merci à vous, Yoko. Merci et au revoir. Merci à vous. Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Ainsi s'achève notre émission. Pour toute information et réservation concernant les spectacles qui vous ont été proposés aujourd'hui, pour les tarifs, les abonnements et pour toute information pratique, je vous renvoie vers le site internet de Point Commun à l'adresse suivante, évidemment, point-commun.com. Comprenez Point Commun au pluriel. Composez également le 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 14 pour les réservations. Remerciements à tous nos invités ainsi qu'à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission. Remerciements également à Damien Gissa pour la réalisation technique. Une émission qui sera rediffusée samedi prochain. Nous serons le 15 février de 9h à 10h sur RGB, sur le 99.2 FM, mais également sur internet à la bonne adresse radio-rgb.net, puis disponible en podcast à cette même adresse. Votre prochain rendez-vous pour Point Commun, l'émission sur RGB, c'est pour le mercredi 11 mars prochain, de 19 à 20h, comme chaque deuxième mercredi du mois. D'ici là, au plaisir de vous retrouver à Point Commun, la nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise, et également sur votre radio locale RGB, sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net. À bientôt! Point commun, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. Coproduite par Point commun, nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2, et aussi sur radio-rgb.net. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h.